Ce soir, c'est de pouvoir parler de ce thème très important. Comment s'en débarrasser des addictions? Comment s'en débarrasser des défauts qui nous rendent esclaves? Comment s'en débarrasser du défaut de l'alcoolisme, de l'addiction du sexe, de l'addiction des drogues, de l'addiction de l'inceste? Comment s'en débarrasser de toute forme d'addiction? En un mot, toute pratique qu'on n'arrive pas à s'en passer. Et comment le faire à travers nos rites traditionnels? Lesquels rites sont nos rites à nous, de nos terroirs? Et c'est ce que nous allons donc voir ensemble ce soir. Une fois de plus, soyez tous salués. Et merci, merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Merci. Je constate sur l'écran des salutations de ceux qui sont à Libreville, de ceux qui sont à Franceville, de ceux qui sont au Mali, au Burkina Faso, de ceux qui sont au Cameroun. Merci beaucoup. Merci. Pardonnez du retard, mais comme je vous avais prévenu, je serai un peu en retard. Ici, il fait très froid et quand il fait froid, les gens conduisent comme des fous. Et la circulation donc devient difficile. Et il ne fallait pas que je prenne le risque de faire un accident, sinon vous ne me verrez pas devant vous. Donc, merci. Nous allons donc démarrer dans une minute. Le temps pour ceux qui sont présents, s'il vous plaît. Invitez chacun au moins 5 ou 10 personnes. Ce sont des rites qui sont payants, je vous signale. Ce sont des secrets que les gens dépensent des sous. Ils vont voir des sorciers. Ils vont voir des marabouts. Mais comment garder une richesse, des milliers de rites pour moi-même, ou pour soi-même, ou pour nous-mêmes seulement? Alors j'ai dit, étant donné que c'est l'ère du Verseau, que le peuple kénite en profite, invite. là là, j'accorde encore 2 minutes seulement, parce que je ne veux pas que les gens viennent me perturber quand il s'agira de poser les questions pour dire « je suis en retard » alors que j'aurais déjà expliqué les choses. L'enseignement de ce soir va être beaucoup très technique, s'il vous plaît. Donc, j'aurais souhaité que vous invitiez le maximum de personnes afin que, lorsque je vais aller étape par étape, que les gens ne viennent plus me poser encore la question sur ce que j'ai déjà expliqué. Bien. Je ne vais plus revenir sur ce que nous avons dit la dernière fois. Pourquoi beaucoup d'entre nous, y compris votre humble serviteur, j'ai été également victime. Ah oui, quelque part. Oh, ne vous fiez pas aux apparences. La plupart des grands maîtres, la plupart des initiés ont toujours ce challenge. C'est-à-dire, nous avons des démons que nous traînons avec nous. Nous avons des démons que nous traînons avec nous. C'est-à-dire, pas des démons au sens propre du terme, mais simplement des défauts. Nos parents, amis religieux, diront, ce sont, si vous voulez, des démons au sens propre. Ils diront, ce sont les péchés. Oui, nous avons tous des addictions. OK? Alors, je vais partager avec vous nos rites africains. Et vous verrez que ce n'est pas compliqué. Il suffit d'un peu de patience. Et vous pardonnerez mon français, mais je ferai l'effort de m'exprimer le plus simplement possible en vous faisant prendre des notes auxquelles vous n'allez pas commettre des erreurs. Bien. Pour bien effectuer ce rite de comment s'en débarrasser de nos défauts, de comment s'en débarrasser de nos addictions, il vous faut les éléments suivants. Premièrement, il vous faut une nain. Mais ce n'est pas n'importe quelle natte. Vous verrez que dans la pratique islamiste, ils utilisent ceci. Vous voyez? Ils utilisent un tapis. Moi, je l'utilise, ce n'est pas seulement pour l'islam, mais je l'utilise également comme moyen de certains travaux. Dans votre temple, donc, il est exigé que vous ayez une natte. Mais une natte qui est faite à base de quoi? Je vais vous montrer. Où sont mes éléments? J'ai pris juste un petit échantillon. Ça, c'est ce qu'on appelle les raffias. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle les raffias. Les raffias, on ne les trouve pas tout. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, un peu partout, vous verrez ces raffias. Rassurez-vous que la natte sur laquelle vous allez faire les travaux doit être une natte faite à base de raffia ou bien à base de liane de l'Afrique. Raffia, liane, nos amis des Philippines également fabriquent des nattes à base de raffia et parfois à base de l'hysope. J'étais surpris. J'ai discuté avec un frère musulman de l'Égypte qui me disait qu'eux, ils fabriquent leur natte à base de l'hysope. Donc, toute natte qui n'est pas artificielle, qui n'est pas faite à base de plastique, est recommandée dans ce rite. Maintenant, si vous n'avez pas, la natte, bien que cela soit une exigence, vous pouvez aller tranquillement chez le frère musulman dans la mosquée, vous achetez un tapis comme ci. Mais en réalité, tout traditionnaliste, vous pouvez vérifier ça auprès de tous les initiés noirs africains du peuple kémite, ils ont toujours une natte. Mais cette natte, elle est faite à base de raffia. Donc cela est très important. Il vous faut la natte. Et celle doit être placée comment et où? Elle doit être placée au centre de votre chambre. Précisément, si vous avez un temple comme le mien, vous mettrez donc cette natte faite à base de raffia au centre de votre temple. Là, vous allez commencer vos travaux. Généralement, les invocations ou les convocations ou même la simple méditation, il vous est recommandé de toujours vous placer face à une position quelconque. Et souvent, la recommandation, c'est de vous mettre face à l'ouest. C'est-à-dire que là où le soleil se lève. Regardez tout simplement et copiez tout simplement et bêtement le rite que font les musulmans quand ils prient. Ils font face à quoi? Vous verrez qu'ils font face à l'est ou face à l'ouest, n'est-ce pas? Donc, vous également, votre natte doit être positionnée de telle sorte que vous serez face à l'ouest. Premier élément, la natte. Deuxième élément, il vous faut 4 verres. 4 verres. Un verre, vous devez mettre de l'eau. Un verre où il y a du vin. Un verre où il y aura une photo de vous. Ou bien un morceau de tissu que vous avez porté. L'habit que vous-même vous avez porté. Ça peut être votre chemise. Vous coupez et vous mettrez dans ce verre. Et enfin, un quatrième verre où il y aura plein de terre. Dans ce verre, il doit avoir la terre, l'élément terre. Mais il ne faudrait pas que ce soit de la terre trop dure, parce que la véritable technique puissante va se faire avec votre doigt. D'accord? Mais il vous faut d'abord, au préalable, préparer ces éléments-là. Donc, vous avez vos 4 verres. Vous avez votre natte. Vous avez les 4 verres. D'accord? Donc, le verre où il y a de l'eau, le verre où il y a du vin, le verre où il y a, soit, en un mot, vous avez le choix, soit le tissu ou bien une photo. On exige que ce verre-là, et j'insiste que ce soit un verre cassable. J'exige encore, j'insiste, verre cassable. Et je vous dirai pourquoi. Avant que je ne perde mes idées, parce que vous savez que le verre cassable est un moyen transparent qui vous permet de vous contacter, de vous connecter avec l'au-delà. Pour ceux qui ont fait les consultations à travers les boules de cristal, j'ai appris ça et je le fais parfois, occasionnellement. Vous regardez la boule de cristal, mais à l'intérieur de la boule de cristal, vous avez la transparence et vous avez des mouvements de la vie de l'individu à l'intérieur de la boule de cristal. Donc, la boule de cristal vous donne une lecture passée au futur de l'individu qui est en face de vous. C'est ainsi que ce verre qui, en fait, détient tous les 4 éléments, l'élément terre, eau, vin, et vous-même, qui vous représente, vous met en connexion tout simplement avec les ancêtres. Bien. Nous avons donc tous ces éléments qui sont prêts. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Si je ne me suis pas trompé. Il nous faut quelque chose de très important. C'est quelque chose qui s'appelle le cadran. Vous avez sûrement entendu parler du cadran dans toute pratique ésotérique, magique, spirituelle. Que représente le cadran? Le cadran, comme le nombre 4, c'est un nombre très important dans toute pratique spirituelle. Je répète, le nombre 4, dans toute pratique spirituelle. Et voici ce cadran qu'il vous faut aussi. Je ne sais pas si vous voyez ça clair. Est-ce que oui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bon là? La lumière est trop forte. Je vais essayer de... Voilà. Est-ce que vous voyez? Le 12, voilà, nous sommes ici 12-24. Et nous sommes ici 6-18. Et allons-y dans l'ordre. 12-24. 3-15. 6-18. 9-21. Alors, vous voyez qu'il vous faut comprendre ce qu'on appelle le cadran. Le cadran dans toute pratique spirituelle, qu'elle soit traditionnelle ou occidentale, quand vous allez rentrer à l'école de la haute magie, on vous apprendra l'importance de comprendre le mouvement des cadrans. C'est ça le cadran. Ça va souvent dans le mouvement des aiguilles d'une montre. Voyez-vous? On part de la gauche vers la droite. Et vous voyez ce que j'ai dû expliquer sur ce chemin-ci. Nous avons donc le premier nombre où il faut commencer, c'est le 12. 12, 24. Ensuite, nous avons 3, 15. Ensuite, nous avons 6, 18. Et nous montons 9, 21. Ça, il vous faut comprendre. C'est très important dans l'évolution du schéma et du rite que je vais vous montrer. Ça, déjà, il faut comprendre. Je le montre et je le laisse sur l'écran. 12, 24. 3, 15. 6, 18. 9, 21. Merci. Bien, ça, il vous faut comprendre cela, et c'est très important dans la pratique que vous allez faire tout à l'heure. Maintenant, vous l'opérateur, parce que je vous ai dit des éléments, et ça, le cadran fait partie de ces éléments qu'il faut comprendre, comment vous allez faire ce rite dans le cycle des quatre dans la journée. La raison pour laquelle j'ai insisté sur ce cadran, c'est parce que dans toute forme de magie, que ce soit la magie de l'Égypte antique, que ce soit la magie occidentale, on nous dit que les quatre cadrans, généralement, représentent les quatre éléments sur notre corps. Si je ne me trompe pas, ça représente un, le sexe. Parce que le sexe fait partie de ces éléments qui font de vous un addicté, que ce soit le sexe de la femme ou le sexe de l'homme. L'anus. Pour certaines personnes, vous savez très bien que l'anus aussi est une partie qui peut vous faire addicté. Soit par des pratiques que certains considèrent, les religieux considèrent comme des pratiques nuisibles, c'est-à-dire homme avec homme, ou femme avec femme, ou même homme avec femme, c'est-à-dire faire, avoir des activités sexuelles par l'arrière. Donc, l'anus est le deuxième cadran qui est, comme je vous ai dit, il faut bien voir la relation entre ce cadran et votre corps. Ça veut dire quoi? Que quand vous allez faire le rite, il faut bien respecter ces heures-là, parce qu'à chaque heure, il y a une variation, il y a une relation avec votre corps. Et votre corps, donc, comme je disais, ce cadran, lorsque vous voyez bien la croix des éléments, je reprends encore, cette fois-ci, on va laisser le cadran, et regardez, au centre, il y a une croix. J'ai pris le soin de dessiner cette croix. Mais que représente la croix? Mais la croix représente les quatre éléments qui sont dans notre corps, et que ces éléments-là connaissent ce qu'on appelle un bombardement. À cause des terrestrités humaines, nous sommes bombardés. Et donc, la croix de notre corps se retrouve déséquilibrée au lieu d'être équilibrée. L'équilibre, donc, consiste à tout initié de pouvoir avoir la maîtrise de soi, la maîtrise de tous ces quatre éléments. Et ces éléments qui sont représentés sur notre corps, donc, je vais finir, on a parlé d'abord du sexe, que ce soit le sexe, la femme, ou le sexe de l'homme, que ce soit l'anus de l'homme ou l'anus de la femme. Ça fait partie, nous sommes tous des adultes, n'est-ce pas? Et nous avons d'autre partie, la bouche. La bouche. Vous êtes d'accord avec moi que la bouche fait également partie des éléments de notre corps qui correspondent avec le cadran, qui nous pousse à être addictés, s'occuper des affaires qui ne vous concernent pas. Instead of minding your own business, you just put your mouth in people's business. You don't mind yours. Running your mouth all time, all day. Vous mettez à vous occuper des choses qui ne vous regardent pas. Parler trop des choses parfois qui n'ont aucun sens. Perdre vos énergies. Voilà encore, ça c'est le troisième élément, qui est un élément addictionnel ou addictif, si vous me permettez. Et le quatrième élément, ce sont vos oreilles. Donc, sexe. Anus, bouche, oreille. Voici les quatre éléments principaux qui font de vous un addicté, car c'est à travers ces quatre éléments que généralement s'insurgent ou s'infiltrent toutes les terrestrités humaines, et on est bombardé généralement par des attaques sous couvert de ces quatre parties. Quand on passe notre temps à écouter le Congo, ça, on a nos oreilles toujours en train d'écouter des conneries. Et on ne réfléchit pas. Tout de suite, ce qu'on va voir sur les réseaux, tout de suite, ce qu'on va entendre quelqu'un dire, c'est fini, on congossa. L'expression congossa veut dire, on fait du bavardage, de bouche à oreille, du colportage. Mais il n'y a pas que cela. Parce que là, maintenant, je vais vous amener dans d'autres parties de notre corps qui sont en fait des zones ou des centres que j'appelle croisements d'articulation. Ces zones qui sont appelées croisements d'articulation, ce sont les chevilles, les coudes, derrière vos oreilles. Ce sont des zones qu'on appelle croisements d'articulation. Le coude, parce que ici se croisent des articulations. Généralement, c'est à travers ça que les énergies démoniques, les énergies négatives, ou du fait, les attractions se manifestent. Chevilles. Ça s'appelle les croisements d'articulation. Genoux, croisement d'articulation. Donc, c'est autant d'autres zones également qui sont des zones vulnérables par lesquelles les forces démoniques rentrent. Cela était très important de comprendre ce mécanisme. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons donc compris la croix. Nous avons déjà notre natte. Nous nous mettons sur notre natte. Nous nous asseyons. Mais avant cela, il vous faut un bain. Vous vous baignez correctement. Après avoir pris votre bain, un bain normal à la douche, maintenant, si vous connaissez le secret des ablutions que font nos frères musulmans, faites-le, s'il vous plaît. Car, nos frères musulmans, souvenez-vous, j'ai sorti une vidéo à de cela 4 ans, intitulée « Comment nos ancêtres communiquaient avec les dieux ?» Et j'ai même dit là-dedans que c'est ainsi que le prophète Mohammed, très bien renseigné, avait, c'est peut-être le mot est trop fort, volé ou pris, nos techniques, comment nos ancêtres priaient. C'est-à-dire, cette technique de se jeter, de se mettre sur le tapis, sur, en fait, lui l'a modernisé, mais généralement c'était sur la natte. C'est jeter sur la natte où avant cela, lavait les 5 parties du corps, mais en réalité il y en a 4. Et je vous ai dit ces quatre parties qui correspondent au rythme quadrionnaire, au rythme des cadrans. Parce que, en fait, tous les univers fonctionnent sur cette règle des cadrans. D'accord? Et nous en reviendrons dessus. Donc, vous vous baignez après votre douche, vous vous parfumez, vous vous habillez. C'est mieux de vous habiller en soie. Portez du soie. Ça, c'est du soie. Tissu naturel. Ne portez pas des tissus autres que cela. Vous avez donc cela. Je vous ai parlé de raffia. Votre natte est là. Sur votre natte ou à côté de votre natte, ne manquez pas d'avoir des raffias. Et chose plus importante, nos ancêtres dans le temps, vous pouvez le vérifier jusqu'à aujourd'hui, c'est pour cela que vous verrez dans la pratique Bouété, dans la pratique Linjobi, généralement, en dehors de la natte et des raffias qu'ils portent, il y a un élément très important qu'ils ont souvent, qu'ils portent sur eux. Sur eux, ils ont les raffias qu'ils portent. Mais il y a autre chose. Ça s'appelle la peau de bête. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, bon, ceux qui sont en Europe, vous n'aurez peut-être pas l'obligation d'avoir la peau de bête. Mais je vous dis que pour que ce rite soit très efficace, il vous faut également la peau de bête. Pas n'importe quelle bête. Chez nous, en Gabon, nous utilisons la bête qu'on appelle la civette. Elle est utilisée et prisée par les membres de quelques sociétés secrètes ou sociétés traditionnelles. Bouéti, Djembe, Bilombu, Mikwelengi, Bekoumekou, Banegoletje, Mbumbayano et autres, même à Kara, ils utilisent les peaux de bête. Le tam-tam que nous utilisons afin d'émettre des sons, là j'ai une vidéo intitulée « Quel est le rôle et l'impact des sons de tam-tam ?» Quel était le moyen, qui était un moyen de communication? Mais le tam-tam également utilise la peau de certaines bêtes. Car j'ai un oncle qui en fabriquait, il n'est plus de ce monde. Donc le son du tam-tam à base de la peau, la peau de bête est un moyen par excellence qui vous permet de vous connecter avec l'au-delà. Appelez-le avec les ancêtres ou les entités ou avec les dieux. Donc, voici un élément très important qu'il vous faut également, la peau de bête. Maintenant, une fois que vous avez votre natte au sol, la natte est déjà mise au sol, vous pouvez porter cette peau de bête comme ce pagne traditionnel, ritualique que je porte sur moi. Au besoin, si vous avez connaissez quelqu'un au pays ou au village, il vous faut ceci. Si vous n'avez pas la peau de bête, il vous faut ceci. C'est très important. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas ceci, à la place, utilisez la peau de bête. Et cette peau de bête, donc, vous allez, permettez-moi, je vais vous le montrer. La peau de bête, donc, avant de vous mettre sur la natte, vous allez porter votre peau de bête. Voilà. Et vous mettrez votre peau de bête ici. Et maintenant, vous allez vous asseoir sur la natte face là où le soleil se lève. Et le rite va commencer. Qu'est-ce que vous devez faire? Le rite va commencer maintenant. Vous avez donc les 4 verres qui ont tous les éléments, bien sûr, que vous avez préparés au préalable. Tous les verres sont prêts. le ver de terre, le ver de l'eau, le ver du vin. Et n'oubliez pas, le ver qui a une représentation de vous, c'est-à-dire un morceau de tissu ou une photo de vous. D'accord? Maintenant, vous êtes prêt? Vous avez votre tapis. Je voulais dire votre natte est sur le sol. Votre natte, là, je le répète, doit être faite à base de raffia. Maintenant, dans certains grimoires ou certains écrits par des grands maîtres du Bouété et autres qui ont conçu ces rites-là, qu'on trouve dans les documents secrets de la confrérie de l'Afrique équatoriale, ils utilisent l'expression « vous mettrez le raffia par terre » au lieu de dire « vous mettrez la natte par terre ». D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, votre raffia est par terre, mais vous êtes habillé avec la peau des bêtes. Maintenant, vous allez, comment dirais-je, je ne veux pas dire des bêtises, parce que ça fait très longtemps que je connais ce rite-là. J'ai déjà expliqué que le raffia, c'est un moyen de connexion avec le monde de l'au-delà. La natte qui est faite à base de raffia, ça passe toujours par la mère nature, est en connexion avec la mère nature, car fait à base de la mère nature. Donc, ce raffia vous permet de vous connecter donc avec la mère nature. Et donc, vous êtes là assis sur des éléments qui vous connectent avec la mère nature. Ça veut dire déjà, il y a une prédisposition à la fois physique, mais aussi mentale de votre part. Alors, vous allez vous mettre maintenant à genoux. Vous allez vous mettre à genoux sur cette natte, ayant votre peau de bête sur vous. Maintenant, si vous n'avez pas la natte, il y a aussi une alternative que vous pouvez faire votre rite sur la peau de bête. Souvenez-vous que le palais de M. Mobutu Sese Seko, dans son palais, il l'avait à un endroit secret où les gens venaient le rendre visite. Il avait des peaux de léopard, les peaux de panthère, qui étaient carrément sur le sol. Et cette peau de panthère, je vous dis que aucun être ne pouvait lui faire du mal. Voilà pourquoi on a réussi à le tuer, c'est quand il était à l'étranger. Parce que les peaux de bête, c'est un pouvoir lorsque vous priez dessus. La peau de bête nous amène dans la magie des totems, mais je ne veux pas revenir, j'ai une vidéo disponible dessus. Donc, vous portez soit cette peau de bête, ou bien si vous n'avez pas la natte, pour ça là je m'adresse à mes frères qui sont en Afrique, vous allez vous rendre chez les artisans là, les gens là qui vendent les articles de sorcellerie et autres. Vous allez vous acheter la peau, soit la panthère noire, soit la peau de tigre, soit la panthère de la civette qu'on appelle chez nous au Gabon Moussingi. Une grosse peau, et c'est avec cette peau que vous allez installer sur votre temple. Et vous faites face à l'ouest, là où le soleil se lève, et tous vos quatre éléments sont déjà là. Les quatre verres, voulais-je dire. Et une fois tout ceci est prêt, vous avez donc l'eau, le vin, vous avez votre photo, ou bien le vêtement coupé, comme je l'ai dit. Et les éléments qu'il faut également ajouter, maintenant, vous constatez qu'il y a le feu qui brûle ici, vous n'allez pas utiliser l'encens. Mais les éléments qu'il faut brûler, c'est le santal. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'en ai là, j'en ai du santal ici, c'est des morceaux de bois. Ce sont des bois, ça s'appelle le santal, d'accord? Mais vous devez savoir ce que c'est. Le santal. Je vais vous donner un schéma pour que vous ne veniez pas encore me poser des questions. Ok? Vous savez ce que c'est le santal? Je ne sais pas si ça s'appelle la santal ou le santal. Je ne sais pas. Avez-vous une idée de ce que c'est la santal? Mais je sais que c'est une plante. Moi, je l'utilise parfois ici. Le santal ou la santal, je ne sais pas trop. C'est une plante. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'odeur. Même Gougou n'arrive pas à retrouver ce que c'est. Mais vous savez de quoi je parle. Un jour, je crois qu'il y a un jour que je brûlais ça. Je brûlais ça ici, mais je ne sais plus là où je l'ai posé. Donc, il vous faut ce qu'on appelle le santal. D'accord? En dehors du santal, il vous faut également, quel élément là que j'ai utilisé, qu'il faut? Il vous faut le tabac qu'utilisaient nos ancêtres. Le tabac, je vous informe que ça se vend également en Europe. Même ici, ils ont le tabac. On appelle ça ici tobacco. Il vous faut donc le tabac. Merci, merci beaucoup de la précision. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Merci beaucoup. Donc, il vous faut les éléments que vous allez brûler, c'est le tabac, c'est le santal, qui est un petit arbre. Quand vous brûlez ça, ça vous connecte avec les entités. Il y a des pratiques qu'on fait avec. Et également, si vous pouvez, ceux qui n'auront pas le santal, chez moi au Gabon, on ne connaît pas le santal. Ça, je ne sais pas si on exploite ça là-bas, mais au Gabon, on utilise l'iboga. Donc, ceux qui sont au Gabon, au Congo, au Cameroun, si vous n'avez pas de santal, utilisez l'iboga. L'iboga en poudre. Et c'est cela que vous allez brûler. Ou bien les feuilles de l'iboga. C'est très important. Vous allez les brûler. Vous avez vu à l'ouverture de mon enseignement, j'ai brûlé. Pardonnez-moi, j'ai brûlé la feuille de sauge. Voilà, elle est presque à la fin. Voilà la feuille de sauge. Ça, c'est la feuille de sauge blanche. Il y a la feuille de sauge noire. Il y a même d'autres qui sont vertes, c'est-à-dire à l'état frais. Mais vous, pour votre rite là, comment s'en débarrasser de vos addictions, il vous faut, un, le tabac, donc les feuilles de tabac, ça existe. Il vous faut le bois santal. Maintenant, si vous n'avez pas le bois santal, vous prenez l'iboga. D'accord? Voilà les éléments qu'il faut brûler. Maintenant, une fois vous avez brûlé, vous avez tout brûlé et vous vous mettez à l'est. Merci pour la rectification. Vous vous mettez donc face à l'est. Mais attention, vous êtes à genoux, ça est en train de brûler. Vous avez donc tous vos vers qui sont là. Vous êtes assis sur la peau de bête ou bien sur votre natte qui est faite à base de raffia. Mais vous pouvez à la fois avoir cette natte faite à base de raffia. Vous pouvez toujours. Il n'y a pas de problème si vous pouvez avoir les deux à la fois. Mais quand vous avez les deux, retenez bien. Vous êtes donc assis sur la natte qui est faite à base de raffia ou de l'hysope ou de liane de chenou en Afrique, pas de natte artificielle. Et maintenant, si vous avez la peau de bête, vous la portez, vous l'attachez comme une ceinture et vous vous mettez à genoux et vous brûlez. Et quand vous brûlez, n'oubliez pas les règles que je vous ai dites. Elles s'appliquent dans n'importe quelle magie. C'est-à-dire, quel que soit l'élément que vous brûlez, vous commencez toujours par le ciel. Que la lumière soit! Et vous duchez, vous brûlez votre encens, vous brûlez votre iboga avec la concentration, avec une forte intention. Vous brûlez le santal avec la forte intention. D'accord? Et vous brûlez le tabac. C'est l'ambiance de cette odeur qui, dans le monde invisible, va se connecter avec les entités de l'au-delà. Maintenant, vous commencez à parler. Je suis ici. Je viens vous demander de m'enlever le mauvais désir du sexe. De m'enlever le mauvais désir. Vous expliquez votre problème, vous parlez. Pendant ça, là, l'ambiance est créée. Vous avez déjà brûlé les éléments que je vous ai donnés, soit l'iboga, soit le santal, soit le tabac, ou le tout à la fois. Vous le brûlez. Donc, dans cette fumée qui monte face à l'est, et vous parlez, moi. Mandjango, moi général Mandjango, mon défaut c'est l'addiction du sexe. Alors je vous demande d'enlever de mon corps, de toutes les cellules de mon corps, ce désir du sexe. J'aimerais que par ce rite, je détruise tout cela et que vous m'aidiez. Vous n'avez pas besoin de dire vous mes dieux, vous mes ancêtres, non, vous ne dites pas que vous m'aidiez parce qu'ils savent, les entités savent que vous avez déjà créé l'ouverture avec l'au-delà. Hein? Vous avez déjà créé l'ouverture. Donc, vous parlez, vous dites avec sincérité. Et vous n'avez pas besoin de parler comme un fou. Surtout si vous êtes dans les pays des Blancs. On dira, maman, voilà, maintenant, il y a un problème. Donc, je veux que vous m'enleviez. Je veux enlever l'addiction du sexe. Je veux enlever l'addiction de l'alcool. Oh. Je veux enlever l'addiction de pédérastie. Je veux enlever de ceci et cela. Vous devez prendre tout votre temps à bien parler. Ne vous précipitez pas. Ne pensez à rien d'autre. Une fois, vous avez parlé. Et puis, je vous donne l'information. Parce que mes frères, la fraternité, n'ont pas donné ce détail. Mais les entités dans mes méditations m'ont dit d'ajouter ceci. J'espère que l'un des frères et sœurs là me regarde sur ce rite. Parce qu'il m'a été partagé avec des frères de la confrérie. Bien. Une fois donc, vous avez fini de parler. Vous prendrez maintenant votre doigt. Soit celui-ci. Je ne vais pas montrer le deuxième. Chez les Américains, c'est une insulte. Hein? Vous savez ce que c'est. Mais de préférence, je préfère que vous utilisez celui-ci. Maintenant, vous prendrez ce doigt. Vous allez faire comme l'aiguille d'une montre. Donc, vous allez disposer vos verres de la gauche vers la droite. Mais vous êtes face à l'est. Vous prendrez le doigt. Vous plongez ce doigt dans le verre de l'eau. Pour juste 5 secondes. Vous enlevez. Vous le plongez dans le verre du vin. 5 secondes. Vous enlevez. Vous plongez le verre dans le verre. Vous plongez le doigt dans le verre où il y a vos éléments. Donc là où il y a votre photo et le tissu de votre habit que vous avez mis. 5 secondes. Et enfin, vous allez mettre le doigt dans le verre qui a l'élément terre. Et vous enfoncez le doigt à l'intérieur. D'accord? Une fois, vous avez donc pris le doigt de, vous avez mis le doigt donc de la gauche vers la droite. Donc, rassurez-vous que le dernier élément doit être l'élément. Généralement, moi, je suggère de mettre l'élément terre. D'accord? Vous mettez le doigt, rassurez-vous que le doigt s'enfonce dans cette terre. Maintenant, une fois, vous avez gardé le doigt pendant 5 secondes. Vous retirez le doigt et vous tracez un cercle. Vous tracez un cercle, toujours la gauche vers la droite. Vous tracez un cercle sur votre visage. On se suit là? Donc, une fois vous avez tracé donc le cercle sur votre front, et ensuite, je veux que ce soit bien fait correctement, parce que ce rite ne doit, aucune erreur n'est tolérée. Vous avez donc mis les doigts, je répète, on a encore tout le temps, vous avez mis les doigts dans tous les quatre verres, et après, vous prenez votre doigt, donc vous tracez un cercle, de la gauche vers la droite. Et soyez conscient du cercle que vous tracez. Et ensuite, vous le mettez dans votre bouche. Gardez-le dans votre bouche pendant au moins 10 à 15 secondes. Pendant 5 à 10 secondes, vous gardez le doigt dans votre bouche. Et après, vous devez entonner un chant. Un chant qui procure la paix et la joie. Vous avez le doigt à la bouche. Mais après, vous sortez ce doigt de votre bouche. Et une fois, pendant les 10 minutes que vous avez le doigt dans votre bouche, et je vous l'ai dit 10 secondes, pardonnez-moi, tout ceci se fait toujours face à l'est. Vous sortez votre doigt et vous entonnez. Oh. Kombonagana imoro imoro imoro imoro kombonagana imoro kombonagana imoro imoro imoro fumbwa nyambi fumbwa nyambie fumbwa nyambi nya mbia mbia mbia mbia mbia mbia oka mongo kombonagana imoro kombonagana imoro imoro, imoro, imoro, imoro, imoro. Bien. Là, c'est moi qui fais cela. C'est un exemple que je fais, que j'ai pris. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de faire un chant qui va vous procurer la joie, ce chant que j'ai personnellement créé, à chaque fois que je l'entonne, ça me met dans un état extatique de joie totale et de paix qui m'inonde. Et c'est là que je me connecte donc avec les là. Maintenant, si vous ne pouvez pas chanter, le rite recommande que vous restiez là pendant au moins 5 minutes, dans un silence absolu après avoir fait le rite. Vous restez dans cet état pendant au moins 5 minutes. D'accord? Mais par contre, si vous connaissez des chants du village, bon, moi, ça, c'est moi-même qui ai créé, hein, mais il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup de chants qui créent la joie dans nos rites africains, par exemple dans le rite Kota, je connais un chant qui donne beaucoup de joie, ça s'appelle Baito Namandoma. Mbuo, mbuo, tchembeke bombo. Mbuo, mbuo, tchembeke bombo. Mbuo, de kaholo, mbuo, te bombo, ewo. Mbuo, mbuo, mbuo, tchembeke bombo. Ça, c'est un chant de joie. C'est un peu grossier chez le peuple Kota, mais c'est un chant de joie qui, lorsque l'homme, moi, j'étais circoncis chez eux, lorsque l'homme a fini d'être circoncis, il doit écouter ce chant afin d'oublier la douleur, la peine. Et pour votre cas, lorsque vous avez fait ce rite, les addictions que vous aviez, ce sont des périodes de douleur. Car je sais parmi vous qui n'arrivent pas à s'en passer du sexe, mon Dieu, même leurs propres enfants, ils vont jusqu'à les enfiler. Ce n'est pas normal. Jusqu'à le cas de l'alcool. Il ne peut pas s'en passer, jour, matin et nuit, mais c'est des périodes de douleur. Voilà pourquoi quand ce chant, vous l'entonnez, eh bien, ce chant, vous devez penser à un chant qui normalement procure la joie. Et généralement, chez le peuple Kota, là où j'ai été circoncis, à cause du côté sacré de ma grand-mère qui épousait un Kota, eh bien, j'avais les douleurs tout debout après avoir saigné, mais après, les vieux entendent la chanson. Mbuo, mbuo, tchembeke bombo. Mbuo, mbuo, kaholo, mbuo, te bombo ebo. Mbuo, mbuo, mbuo, tchembeke bombo e. Mbuo, mbuo, mbuo, tchembeke bombo. Mbuo, kaholo, mbuo, te bombo ebo. Je connais ce que ça veut dire, mais je ne veux pas expliquer, c'est très grossier. Mais quand ce chant est tonné, le nouveau circoncis, qui est un nouvel initié également, parce que dans le peuple Kota, quand vous vous circoncis, en même temps, vous vivez des périodes d'initiation. Quand on vous a fait sauter, moi personnellement, on m'a fait sauter sur les arbres dans la forêt, et on m'a fait rencontrer avec la panthère noire et tout, il y a un passage de communication. Ici, également, dans votre rite, le gestuel que vous avez fait, le doigt que vous avez mis dans tous ces éléments, le santal que vous avez brûlé, l'iboga que vous avez brûlé, le tabac que vous avez brûlé, en face de l'Est, la bête de peau que vous portez, qui vous connecte, la natte sur laquelle, fait à base de rabia, rafia, qui vous connecte, ce doigt que vous formez le cercle autour de votre visage, vous mettez dans votre bouche, tout ceci doit se faire de manière symbolique, en symbiose, et avec une concentration absolue, pas de distraction. Voilà pourquoi je recommanderais même de faire ce rite-là, il ne faut même pas avoir fait sexe, pardon. Les gens vont me dire, moi je suis contre le sexe. Non, il ne faut pas de distraction. faut pas de téléphone à côté. Tout cela doit être calboigné, fermé, jeté. Il ne faut pas être perturbé. Il ne faut même pas que le chien viendra vous perturber. Quoi. D'accord? Donc, une fois que vous avez entonné votre chant, vous gardez le silence pendant 3 minutes. Une fois, si vous n'avez pas fait ce chant de joie, un chant du village, nous autres qui avons grandi au village, je vous ai bien donné l'exemple d'un beau, un beau, il y en a bien d'autres. Bref, vous voyez, il y a des chants. Moi, j'ai grandi au village, donc imaginez ce chant de joie. Chantez-les. Mais si vous n'en avez pas, vous restez dans cette posture de silence, et sans ce moment, vous devez vous concentrer beaucoup plus sur vos deux ondes cérébrales. Vous rentrez en communion directe avec les entités. Après avoir prononcé, il faudrait que les paroles que vous avez dites, donc votre prière là, de vous en débarrasser de l'addiction, résonne dans votre conscience. Il faudrait que ça résonne. Souvenez-vous, je vous ai montré la technique, comment parler. Et quand vous parlez, même les mots que vous sortez, vous devez d'abord les visualiser, vous devez les voir en esprit. Donc, toute votre prière doit être vue d'abord en esprit. D'accord? Une fois tout ceci est fait, votre rite est fini. Maintenant, un détail très important. Vous allez sûrement me demander, mais ce rite doit durer combien de temps? Bien. Sur le même tableau que j'ai pris le soin de dessiner, vous verrez que sur chaque phase de 12, le rite, vous le faites soit, il faut le faire à 12 heures, ou bien à 24 heures. Très important. Toutes ces heures doivent être respectées. Maintenant, vous allez me poser la question, à quelle heure on doit commencer? Aucun détail dans ce rite que mes frères, confrères de la fraternité ne donne un détail. Mais au vu de ma petite expérience, puisque je pratique des rites similaires à ceux-ci, l'heure recommandée, c'est 24 heures. Il faut commencer à 0h00, pas 0h01 minute. Je répète, il faut commencer à 24. Et vous savez que 24, c'est 2 plus 4. 2 plus 4, c'est 6, n'est-ce pas? Et quand vous vous regardez bien, 6 divisible et indivisible, mais 12 est à côté. Donc 6 et 12, 12 et 24 s'harmonisent. Donc même la magie des nombres s'harmonise dans tout ce cadran. Dans le cadran, il y a la magie qui se manifeste là-dessus. Bref, 24 heures est l'heure par excellence de commencer le rite. Faites-le tout seul dans votre temple, avec tous les éléments réunis la veille. Et généralement, les gens me posent la question, mais quelles sont les heures favoris? Il faut le faire dans toutes les heures, mais en dehors de ce rite, vous êtes obligé de faire ce rite-là en accord avec le cadran, c'est-à-dire à 24 heures. Et une fois que vous avez fini à 24 heures, il faut également le faire à 3 heures du matin. Donc, la durée, vous voyez, j'ai mis la durée, 30 minutes à chaque cadran, parce qu'il y en a 4 cadrans. 4 minutes, je vous l'ai dit, 30 minutes de chaque cadran. 30 premier cadran, 30 deuxième cadran, 30 troisième cadran, 4 quatrième cadran. Mais ça vous fait combien? 30. Ça vous donne un nombre. D'accord? Qui vous amène à 12. Est-ce que je me suis trompé? Refaites vos calculs. 30, ça vous amène à 12. Donc, l'accomplissement final, c'est le nombre 12. Pourquoi? Parce que 30 une fois, 32 fois, 33 fois, 34 fois, 4 fois 30, c'est quoi? C'est 120. 120, c'est 12. Alors, l'accomplissement, souvent, c'est à 12. Voilà pourquoi toute pratique magique sorcière, on commence toujours à minuit. Que ce soit la sorcellerie négative, c'est-à-dire ce que les gens appellent la sorcellerie ou la magie noire, c'est souvent à minuit. La magie blanche, que c'est toujours à minuit. L'éveillé du Bouiti, de Njembe, n'importe quelle rite de chez nous, ou l'Onjobi, c'est les miracles s'opèrent souvent entre minuit et 5 heures. Maintenant, la deuxième heure favorite, c'est 3 heures du matin. Pourquoi? Mais parce que durant ces heures, quand vous allez faire le rite à minuit, vous n'aurez peut-être pas trop de manifestations. Je parle de ce rite de comment s'en débarrasser de vos addictions. Il faut toujours parler, j'insiste beaucoup, et il faut toujours respecter le rite du doigt et le tracé et garder ça dans la bouche. Et surtout quand vous gardez le doigt dans la bouche, en ce moment, il faut intensifier, c'est-à-dire mettre votre intention de vous en débarrasser du défaut. Donc, À 3 heures du matin, vous aurez des manifestations, rassurez-vous. Je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà tenté cela. À 3 heures du matin, généralement, vous avez des vibrations sur votre corps, car c'est là où la plupart des entités sont ici-bas. Que ce soit les entités du bien, que ce soit les entités du mal, toutes sont ici-bas. D'accord? Maintenant, entre 4, vers 6 heures, c'est bien beau, mais là, vous rentrez en communion maintenant avec les entités du jour. Or, les entités du jour, généralement, la plupart, c'est des entités de basse fréquence. Mais vous avez créé la connexion. Voilà pourquoi je vous ai dit l'importante, l'heure la plus importante à laquelle vous devez commencer toute pratique spirituelle, c'est toujours minuit. Si vous commencez à 12 heures, ce n'est pas bon. Si vous commencez à 15 heures, non. Quand vous commencez tout travail magique, il faut toujours, quand on vous dit commencer le premier jour du rite, si c'est un rite qui dure 3 semaines, commencez toujours à partir du premier jour à minuit. Ne jamais commencer. Ah, le maître a dit, Trisamar, je vais commencer. Il est 6 heures du matin. Qui est aïe, bien, nourema, bien, cocolo, bamboué, aganiwe. Oui, le rite est fini. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas à 6 heures. Tout rite, retenez cela. Quel que soit le grimoire que vous allez lire, c'est à minuit, selon le cadran mystique. Et ça, vous allez le voir dans n'importe quelle fraternité, dans n'importe quelle société magique sorcière. Celui qui vous dira qu'il faut commencer la pratique à 15 heures, il a menti. Qui vous dira qu'il faut commencer à 18 heures, c'est faux. Parce qu'à 18 heures, c'est l'heure à laquelle toutes les entités du bas astral descendent. Par contraste, le matin, c'est l'heure à laquelle les entités de l'au-delà, donc les grands maîtres, leur énergie commence à se décanter, en un mot. L'énergie cosmique universelle commence à se décanter, la planète Terre, à partir de vers 5h36 heures. Voilà pourquoi les hommes les plus riches de la planète, les plus grands sorciers, toutes ces grandes superstars que vous connaissez, souvent, ils font leur prière entre 4h30 à 5h du matin. Allez-y sur YouTube, vous verrez des vidéos qui vous disent « Que faites-vous entre 4h30 et 5h du matin ?» Prière la plus efficace, 4h30. Mais pourquoi? Parce que, généralement, c'est durant ces heures-là que les forces universelles sont en ébullition, où les forces du bien sont en train de dominer. Et c'est ainsi que les forces du bien, à 6h du matin au plus tard, quittent la planète et retournent. En d'autres termes, voilà pourquoi dans la prière chrétienne, quand j'enseigne la mystique chrétienne, je recommande les chrétiens de souvent prier entre 23h et 1h du matin, car c'est durant ces heures-là que leurs prières sont transportées dans le monde de l'au-delà. Et vous avez tout le temps. Et avant, vous vous réveillez vite, vite, à 4h30, réglez l'horloge, vous priez encore. Et les entités sont là. En d'autres termes, les anges, les archanges, les super-anges, les dominations et tous ces mecs-là sont encore là. Car ce sont eux qui amènent et transportent vos prières auprès des Tetramwanga, l'être suprême, créateur des cieux et de la terre. Donc voilà le grand mystère. Les heures les plus importantes, c'est souvent entre minuit et 3h, voire 4h30 du matin. Mais votre rite à vous, commencez-le. Si vous le commencez dès demain, vous ne pouvez pas le commencer ce soir, allez-y le commencer à partir de 0h. 0:00. Et cela est clair, j'espère que je me suis fait comprendre. Voilà le sens, la magie du cadran. Le sens, la magie du cadran. Et vous allez l'appliquer dans n'importe quelle autre magie, quel que soit le milieu. Même quand vous allez rentrer dans le mbandia du Bouiti, là où les bouitistes dansent et font leur cérémonie, vous verrez que ces règles-là sont respectées à la lettre. Donc, voilà succinctement votre rite. Tel que expliqué. Avez-vous des questions? Je crois, j'ai fidèlement transmis le rite qui vous permet de vous décanter des addictions. Vous allez me dire, mais mon Dieu, ça paraît simple. Oui, mais c'est très efficace. L'avez-vous essayé, monsieur Nouvier? Oui, je l'ai essayé. Peut-être pas sous cette forme-là, mais similaire. Et j'ai des amis, les frères de la fraternité, qui l'ont essayé. Ils l'ont fait. Et ça marche très bien. Faites-le, ne le regrettez point. Venez me donner le résultat dans un mois. Dans un mois, venez me faire le témoignage. Comme des centaines de personnes dont je ne veux jamais diffuser, dans les forums là-bas, il y a tout le temps des témoignages de beaucoup de rites que je partage au public. Voilà donc succinctement notre rite. Et une fois que vous avez fini, retenez bien, j'ai insisté que votre rite doit avoir Dans le premier cadran, donc de minuit, là, le rite de minuit, c'est 30 minutes. Le rite de 3 heures du matin, c'est 30 minutes. Le rite de 6 heures du matin, c'est 30 minutes. Mm-hmm. Donc, toute votre ritualie, le timing est de 30 minutes. Ce n'est pas un rite à faire de vite, vite. Et ma femme a encore au lit là-bas. Tis jamais, je dois lui donner le dernier coup avant d'aller au travail. Non, non, non, non, non, non, non. Non, ne faites pas ça. Vous gaspillez tout. Donc, vous prenez tout votre temps. Si vous respectez cette règle du cadran, minuit, clic, clic, clic, clic, clic, 3 heures du matin, 6 heures, clic, clic, 9 heures du matin. Oui, vous allez me dire, mais monsieur, nous, bien, nous, on travaille. Bon, moi, je suis fonctionnaire, je travaille. Mais qu'est-ce qui m'empêche? À 9 heures du matin, si vous ne le faites pas à 9 heures, voilà pourquoi on vous donne des alternatives. Vous voyez? En tout cas, nos initiés, là, ont bien pensé à nous. Hein? Nos ancêtres ont bien pensé à nous. Où est le tableau, là? Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai encore mis, Wanyan. Voilà. Sur le cadran, vous avez bien vu que nos ancêtres ont pensé à nous. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire à midi, vous ne serez pas au travail à minuit. C'est clair? Si vous n'êtes pas capable de le faire à 3 heures du matin, mais vous pouvez vous rattraper à 15 heures. Pourquoi les musulmans prient à 15h30 et à 13h30? Mais parce que ce sont les heures auxquelles les entités de l'au-delà, les esprits, les djinns d'Allah, sont en connexion directe avec la planète Terre pour lui apporter les révélations et les paroles de l'être humain, si réellement il se conforme à sa parole et marche conformément à ses principes. Maintenant, le matin, si vous n'êtes pas capable de le faire à 6 heures, parce que vous avez travaillé à 6 heures, mais vous pouvez vous rattraper à 18 heures, vous n'allez pas me dire que de l'une ou l'autre, vous ne pouvez pas faire le rite. Donc, il n'y a pas d'excuse. C'est pour cette raison que les grands maîtres mystiques ont donné ces alternatives-là. 6 heures ou bien 18 heures, 12 heures ou bien minuit. C'est comme la journée. La journée à 12h00 au Zénith, quand j'étais, on appelle ça comment, quand j'étais rosicrucien, nous avons un rite qu'on appelle le rite du 77. C'est un rite qui se fait à partir de 12h00 sur toute la planète. C'est un groupe de frères qui sont en contact direct avec le ciel et c'est souvent à ces heures-là, 12h00, que nous faisons des travaux qui nous connectent avec toutes les forces de l'univers, au point où tout ce que vous allez faire, il est impossible que ça échoue, parce que ce sont des jours, ce sont des heures de câblage, ce sont des heures qui vous connectent avec les forces de l'au-delà. Donc, ne donnez pas des excuses ici. Hein? Soit c'est 3 heures du matin ou 15 heures, ça, les mêmes forces, mais à la différence. J'ai dit bien, le premier jour, vous devez vous débrouiller à commencer cela à partir de minuit. Je suis à vous, avez-vous des questions? Et pendant ce temps, nous allons détendre un peu en musique. Connecting to Toys Galaxy. Donc, préparez vos questions. Je veux m'assurer que le live ne va pas dépasser 1h15. Et je parlais en 57 minutes. Et maintenant, c'est votre tour de poser des questions. Je n'ai pas de droit d'auteur sur cette chanson, mais c'est une chanson qui frappe nos âmes. Thank you. Passez. Merci beaucoup. Bien, nous allons répondre aux questions. Waouh, il y a tellement de questions là, mon Dieu. Ok, cela a une couleur rose ou rouge, le santal. Oui, c'est Odette a expliqué. Le santal, ça s'achète. Vous pouvez aller dans n'importe quel magasin ésotérique, vous trouverez le santal. Il vous le faut. Il vous faut le santal, si vous n'avez pas l'iboga. Il vous faut le santal. Mais le tabac ne doit pas manquer. Il vous faut le tabac en feuille. On appelle ça comme ça. Là-bas, à Brazzaville, on appelle ça le tabac Congo. Parce que c'est souvent au Congo qu'on avait des grandes plantations de ce tabac. Chez moi, en Ndougou, dans le Gabon, là-bas, dans le Fernavaz, on avait les plantations de tabac. C'est ce tabac qu'il vous faut. Bien. Peut-on brûler le myrrhe? Non. Il ne faut pas me modifier le rite. Respectez ce que le rite dit. Il n'y a pas des histoires de bamir ou ensemble pontifical. Non, on ne vous a pas demandé ça. Il n'y a pas. Après, vous allez vous demander pourquoi le rite ne marche pas. On vous dit, les rites traditionnels ne sont pas comme les rites des Blancs. Le rite des Blancs, c'est-à-dire dans les magies cérémoniales, là, orientales ou occidentales, souvent il y a des rattrapages. Mais dans ce rite ici, c'est non. C'est pour cela qu'ils ont dit le santal, l'iboga ou le tabac, et le tabac. Donc, lisons-moi l'histoire de l'émir, le pontifical, non. On peut faire ce rite sur nos garçons. Non, c'est le rite, c'est vous-même. Il n'y a pas à faire ça pour quelqu'un. On ne le fait pas pour quelqu'un, mais vous aussi, vous étiez où? J'ai plus la peine de vous expliquer. C'est le doigt que vous prenez, est-ce que c'est le doigt de votre fils? Le rite, il faut le faire avec votre propre doigt. C'est vous qui parlez. Vous n'allez pas dire ici, là, que « Oh, je demande l'addiction de mon fils. » Johnny, c'est pas possible, il aime trop les petites nanas au quartier à Tizam. Bon, maintenant vous allez dire ça. Le doigt que vous allez mettre sur le front, c'est le doigt de Tony. On demande que c'est l'opérateur qui doit utiliser son propre doigt. C'est l'opérateur qui doit parler. C'est l'opérateur qui doit changer, chanter. Donc, ce rite-là, ce n'est pas fait pour des intermédiaires ou pour d'autres personnes. C'est vous-même, la victime qui souffrait de l'addiction, qui devait le faire sur vous-même. J'espère que c'est clair. Existe-t-il un rite spécial à faire à la naissance, par exemple? Le rite spécial à faire à la naissance de quoi? Non, sur les... Comment? À la naissance, c'est que quelqu'un va déjà addicter, vous aussi. Non. L'addiction se développe. Personne n'est né addicté. Ça, celui qui va vous dire ça, c'est pas vrai. Les addictions de tout genre, ce sont des vices. Mais ces vices-là, ce n'est pas à la naissance qu'on peut voir ça. L'entité qui s'incarne dans ce nouveau corps du bébé ne vient pas déjà inaddicté. C'est avec le temps, l'influence, et également selon ces traits astrologiques qui vont au fur et à mesure maintenant se manifester. Parce qu'au cours de la naissance, certes, il y a eu des mouvements astrologiques, il y a eu des mouvements des astres qui ont impacté, hein, n'est-ce pas, sa vie. Et c'est maintenant, à la longue, ceci va commencer à se matérialiser. Dès l'âge de 7, 8, 9 ans, voilà pourquoi on vous dit c'est l'âge de la confusion entre 7 et 18 ans. Mais généralement, entre 15, 16, 17 ans, vous verrez les tendances de l'enfant. Le petit désordre commence, même dès l'âge de 7 ans normalement. Voilà pourquoi chez nous, on exige que l'initiation, il faut la faire dès que l'enfant a 7 ans. C'est le premier 7, 70 ans. C'est le premier 70 ans. Et le dernier 70 ans, normalement, il paraît que c'est à 55 ans. Ça, c'est selon le rite antique des Égyptiens. Bon, mais chez nous, bon, même si tu as 60 ans, on peut tout initier. Mais la logique est que c'est 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Voyez-vous, 7, 14, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42, 49. Et vous continuez. Hein? 55, c'est tout. C'est comme ça. Donc, j'ai ma fille qui a une addiction à l'alcool. Pourrais-je faire ça? Non, c'est elle-même qui doit faire. Pour son cas, en ce moment, pour son cas, il faut plutôt utiliser maintenant d'autres rites. Parce que ce rite fait appel à l'âme de l'individu. C'est la personne elle-même qui doit se mettre là à faire le travail. C'est vous-même. Vous invitez l'enfant, vous pouvez l'inviter chez vous, votre fille, et vous lui dites, mon maman, oui, tu souffres tellement avec tes démons d'addiction là, mais nous allons faire un travail. Voilà ce qu'il te faut faire. Si possible, vous lui faites, vous copiez, vous ne téléchargez pas mes vidéos, c'est interdit, sinon vous aurez des problèmes. Mais vous pouvez écrire les éléments de ma vidéo et puis vous demander à la personne de suivre, ou bien même suivre ma vidéo. Il n'y a rien de compliqué, la lorite est simple. Est-ce qu'on peut le faire pour quelqu'un? La réponse est non. Il y a un rituel adapté. Quel adapté encore, Jean-Claude? C'est le rite là. Bien. Si bien compris, ce rite a une... Ce rite se fait une seule fois. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le rite, le premier jour du rite, commence. Rassurez-vous que vous devez commencer à faire ce rite-là. En lune ascendante, en lune montante, en nouvelle lune, rassurez-vous que quand vous allez commencer le rite en lune ascendante, que ce soit un jour où il sera minuit 000. Voilà, c'est là qu'il faut commencer le rite-là. Maintenant, si vous faites le rite pendant un mois, parce que je ne vous ai pas dit que le même jour-là, c'est fini. Le sexe ne va plus vous déranger. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut faire le rite continuellement et vous verrez, pour certains, deux fois après 9 jours, le désir se coupe. Pour d'autres, c'est peut-être au bout d'un mois. C'est comme vous suivez un traitement à l'hôpital. Vous pensez que le médicament à l'hôpital, c'est un miracle rapide, tout de suite là? Hein? Non. Parce que ce rite a pour objectif d'éliminer totalement ce désir pour le reste de votre vie. Oui, ça marche. Donc, le rite, il faut le faire toutes les 30 minutes en 24 heures. C'est toutes les 30 minutes de chaque cadran. J'ai bien expliqué là. C'est-à-dire à minuit, 30 minutes. À 3 heures du matin, quand vous allez vous asseoir pour le faire, vous faites également 30 minutes. À 6 heures du matin, vous faites 30 minutes. Maintenant, si vous travaillez à ces heures-là, eh bien, vous le faites à 12h00, 30 minutes. À 15h00, 30 minutes. À 18h, 30 minutes. À 21h, 30 minutes. Afin de reprendre le cycle. Est-ce que c'est compliqué ce que je viens de dire là? Je crois que c'est... je me suis fait comprendre. Quel rite faire si l'addiction est causée par la possession du corps de la victime? Une addiction n'est pas nécessairement causée par quelqu'un d'autre. Une addiction, c'est tes envies à toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Là, vous me parlez d'un autre chapitre. Là, pour le cas de cette, pour votre question, il faut faire donc le rite de désenvoûtement. C'est différent du rite ici. C'est-à-dire, il faut vous désenvoûter de la personne qui vous victimise, de la personne qui vous utilise. Là, c'est différent. Le rite qu'on est en train de faire, c'est vous, votre propre addiction à vous. Voilà le problème qui nous embête en Afrique. Vous faites foutez le bordel dans les quartiers, vous couchez les filles à gauche, à droite, après on dira, oh, son homonyme a été trop comme ça, Tizama. Son oncle Mabako a été très dangereux. Tout ce qui bougeait autour, surtout le général Mandjango, mon Dieu, qui pourrait résister, même au bureau. Mais comme son oncle Mandjango est mort, et puis on lui a donné le nom de Mandjango, c'est que c'est lui Mandjango. Non, pas du tout. Mais voilà pourquoi il vous faut ce qu'on appelle votre étude personnelle. Je demande aux gens ici de m'envoyer des informations. Vous payez $160, $160 de francs CFA, et je vous fais ce qu'on appelle une étude complète. Parce que c'est à travers de cette étude complète que je vais, comme je l'ai fait, je le fais toujours aux gens, que je vais vous déterminer vos démons qui sont avec vous, ou bien les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes qui sont nées avec vous. Peut-être que vous ne vous connaissez pas en profondeur. Et cette étude, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, il y a des malheurs qui vous arrivent et tout et tout. Et c'est en fonction de ça que moi, je peux déterminer maintenant. Voilà pourquoi je parle de la consultation totale. Maintenant, dans cette consultation totale, que je fais la combinaison avec l'étude complète, je peux maintenant vous faire des révélations. Qu'en fait, si vous avez ce défaut-ci, mais voilà, et ceci et cela, ou bien vous êtes possédé, ou bien ça, c'est une addiction qui s'est développée à cause des chocs émotionnels, à cause des chocs psychologiques, ce qu'on appelle les post-traumatic stress, OK? Ou des chocs psychologiques qui résulte d'un événement qui vous a tellement traumatisé ou quelque chose comme ça. Donc, votre question là, non, je dirais non, c'est pas, ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire le rite comme ça. Dans ce cas, si la victime est possédée par une entité, ainsi de suite, qui vous pousse à avoir certains désirs bizarres, là, il faut faire d'abord le désenvoûtement. Ce n'est pas ce rite-là qu'il faut appliquer. Si vous me demandez, est-ce qu'il y a un rite? Oui, ça s'appelle le rite de désenvoûtement. Il faut vous désenvoûter. Peut-on faire ce rite quand on est en menstrue? Bien, c'est une femme qui pose la question. Toute forme de magie à travers le monde, magie indienne ou chinoise ou africaine ou blanche ou je ne sais trop qui, et même là-bas les anges, aucun ange ne peut vous approcher quand vous êtes dans cette période. Vous, pour ceux qui sont chrétiens, allez-y lire le livre de Lévitique. Ils donnent les instructions fermes. La femme, quand elle est dans ces états, elle ne doit même pas oser prier. Elle ne doit même pas oser diriger quoi que ce soit. Donc, à votre question, non. Vous ne pouvez pas faire le rite quand vous êtes dans cet état-là. Non. Doit-on appliquer ce rite à nos maris? Odette, ce rite, c'est vous-même. Si votre mari suit ma vidéo, qu'il aille le faire. S'il n'a pas compris, maintenant, la vidéo a été claire. Maintenant, si vous me posez encore des questions, oh, mais m'appelez, oh, maître, moi, je vais faire le rite, mais. C'est pour cela que je vais lui déposer les questions. Vous me dites, mais, vous allez payer $250. Je ne blague pas, parce que je vais encore prendre des énergies pour expliquer. Voilà pourquoi je suis là pour répondre à ces questions en rapport avec le rite. Évitez d'aller hors sujet là. Doit-on expliquer? Non, la réponse est non. Mais certains ne veulent pas entendre parler de ça. Que peut-on faire en ce moment? Bon, mais si quelqu'un ne veut pas entendre parler du rite des ancêtres, il y a d'autres méthodes. Vous allez consulter un psychanalyste. Vous allez consulter, moi c'est le boulot que je fais, un psychothérapeute. Hein? On donne des conseils. On vous donnera des techniques de thérapie qui sont basées sur des conseils et machin, qu'on appelle les mécanismes de fonctionnalité au quotidien. Qu'est-ce qu'il vous faut éliminer? Quels sont vos démons qui vous guettent? Ce qu'on appelle en anglais triggers. So what kind of triggers really are bothering you? And instead of those triggers, you need to work on a new coping skills, those new coping mechanisms you need to work on, you know? So vous allez donc travailler sur des nouveaux modules que je vais mettre à votre disposition, et c'est ce que font tous la plupart des psychothérapeutes. Ils peuvent vous aider pour ça. Et il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, en dehors de ce rite, il y a aussi des rites qu'on appelle les rites de vomissement. Donc, on vous fait des purges. Voilà. Soit on vous fait avaler certaines substances. Ça, nous le faisons. Quand je dis nous, c'est-à-dire du côté de mes parents, de ma grand-mère, je les saquais. On vous fait faire une grande cuvette là où on mélange certaines feuilles. Et on parle dessus, on les charge, on charge. Et l'abécotime qui est addicté ou de quoi que ce soit, si c'est addicté de la nourriture ou quoi, ben, on fait ce machin-là, la personne va boire ça, elle va vomir, boire, vomir. Vous faites la séance pendant au moins 7 semaines. Et c'est de cette façon-là que vous allez donc rendre vomir nettoyez donc les démons du mauvais désir qui était en vous. Voilà. Mais c'est une forme de désenvoûtement. Il y a aussi l'autre forme de désenvoûtement sous le bain des vapeurs. Bain des vapeurs ou bien bain du fumoir chez les peuples Kota. On va vous mettre sur un fumoir et puis on brûle le bois là-bas en bas. Vous n'allez pas vous brûler, rassurez-vous, parce qu'il y a des techniques. Quelle est la clé pour activer ces rituels? Vous étiez au début. Vous cherchez quelle clé? Vous parlez de quelle clé? Utilisez un peu le common sense là. Dans tout ce que j'ai expliqué, le rite est clair. Vous voulez quelle clé? Je vous ai dit au cours de l'enseignement que le véritable pouvoir réside à partir de minuit quand vous faites ce rite là. Et l'autre clé, si vous voulez appeler ça la clé, il vous faut une paire de bêtes. Si vous voulez que c'est ça que vous appelez la clé. Il vous faut la peau des bêtes et ou bien il vous faut la natte qui est faite à base. Voilà, voilà les raffias. C'est ça. Fait à base de raffia. Si vous voulez, si vous voulez savoir. Mais si vous faites sur un tapis, vous faites sur des histoires que vous achetez au pays des Blancs, là, le rite ne va pas trop bien marcher à 100%. Ça va boitiller, mais les résultats ne seront pas ça. Voilà pourquoi dans la tradition africaine, on ne négocie pas, on ne fait pas trop de discours, on ne fait pas trop de questions intellectuelles. Non, il faut suivre ce qu'on vous dit de faire. Il n'y a pas à dire, oh, est-ce qu'on peut tricher? Oh, est-ce qu'on peut tourner à gauche ou à droite? Non, non, non, non, non. Suivez exactement comme cela est demandé. Donc, les clés que vous dites là, la clé se trouve dans ce que j'ai expliqué depuis le début. C'est ça la clé. Il n'y a pas d'histoire. Quelle clé vous voulez savoir? C'est-à-dire le flat luxe. Mais appliquez seulement ce que je vous dis. Le doigt dans les histoires, et vous parlez. Vous avez écouté ma chanson de joie. La chanson de joie et de paix. Moi, je ne sais pas, moi. Dans le rite, il y a beaucoup d'éléments, mais tous ces éléments contribuent. La véritable clé en réalité, c'est vous. Hein? C'est vous. Vous devez seulement appliquer. Vous appliquez ce qu'on vous dit. Peut-on faire ce rite pour celui qui est fou à distance? Non. Quelles sont les vertus magiques du sang? On parle d'autre chose. On a déjà répondu à ces questions sur les histoires des prédateurs de femmes. On ne va pas revenir dessus. On parle de ce rite. Ce rite est très important. Ah là là. Maître, peut-on le faire? Quoi? Peut-on le faire ainsi? Ah, vous pouvez m'analyser comme vous voulez, mais j'ai dit, tout la durée du rite est de 30 minutes. Oui, si vous voulez que c'est ça, oui, oui, oui, tout le monde peut voir à l'écran. C'est-à-dire, vous commencez à 0h00 et vous finissez à 0h30. Oui, oui, oui. Vous commencez à 3h00 et vous finissez à 3h30. Donc, vous mettez votre alarme, c'est sérieux, terminé. Voilà, oui, vous pouvez le faire comme ça, si vous voulez. Ce rite peut-il aider à calmer les excès de colère chez quelqu'un? Est-ce que l'excès de colère est une addiction? Réfléchissez bien. Qu'est-ce que c'est une addiction? Une addiction, c'est quelque chose dont vous ne pouvez plus vous en passer. C'est-à-dire, vous dépendez que de ça. La colère, je crois que c'est un défaut. Ce n'est pas une addiction. L'excès de colère, c'est un défaut qui naît avec l'individu, mais qui se manifeste avec le temps, selon les mouvements astrologiques. Et beaucoup d'entre vous que j'ai consultés là, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Je les ai consultés en me donnant leur nom et prénom et date de naissance. J'ai fait l'étude d'abord et ensuite j'ai consulté, je suis rentré dans leurs arcanes secrètes et j'ai découvert que leur vie est beaucoup calboignée à cause de la colère. Et quand on découvre, effectivement, la colère domine dans leur vie. Maintenant, comment faire? Je vais montrer, il y a des vidéos qui sont ici. Ça s'appelle la technique de la croix, c'est-à-dire il faut mettre d'un côté vos défauts, d'un côté vos qualités. Et ensuite, il y a un grand travail qu'il faut faire sur vous-même. Et en deuxième technique, c'est la technique de la magie du miroir. Ça, j'avais expliqué. Comment se refléter, comment créer le reflet de soi dans le sens positif à travers la technique du miroir pour créer le calme en soi. Là, il y a beaucoup de techniques qui rentrent en jeu là, sur votre question. Donc, la colère, il y a des techniques. Il y a des techniques que j'ai démontrées. Vous pouvez prendre le verre, un verre d'eau, vous le remplissez. Vous prenez le couteau, vous mettez ça dans du feu. Quand le couteau est devenu rouge, vous trempez et vous buvez rapidement cette eau. Et vous parlez, j'ai même parlé de la marche du sage. Ça fait partie des techniques, c'est parce que vous êtes nouveau. Les vidéos sont là, j'explique tout cela. Maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincu, là, vous serez obligé de payer une consultation et je m'occuperai de votre cas. Si vous êtes envoûté, vous pouvez aussi le faire pour diminuer la dose de l'envoûtement. Si vous êtes envoûté, pouvez-vous faire ce rite pour diminuer la dose de l'envoûtement? Bon, si vous parlez de... Ça revient à la question que Kassongo a posée là. Envoûtement par addiction peut-être. Peut-être, je ne sais pas moi. Mais moi, je préfère que vous preniez le soin de comprendre qu'ici, il s'agit d'une technique qui parle d'addiction naturelle. Surnaturelle ou naturelle, faites seulement, on parle d'addiction. Vous n'arrivez pas à vous en passer du sexe. Est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un? Non. Vous voyez, les femmes, vous ne pouvez pas vous maîtriser. Vous buvez le vin là, est-ce que c'est forcément quelqu'un, c'est une malédiction? On ne sait pas. Mais suivez seulement le rite. Puisque ce rite-là, c'est le rite qui vous permet de vous connecter avec vos ancêtres. Voilà pourquoi l'utilité de vous présenter et ensuite d'utiliser votre doigt, de prendre votre photo, le tissu de votre corps qui sent, qui a déjà l'odeur de votre corps que vous mettez. Tous ces éléments-là rentrent en symbiose avec les entités. D'accord? Voilà, c'est pareil, de 12h à 12h30, 15h, 15h30, quand vous voulez. Je vous avais demandé une étude personnelle, mais je n'ai pas eu de réponse. Moi, je ne sais pas si vous changez tout le temps les noms n'importe comment. Avez-vous demandé cela dans mon compte privé, que vous voulez une étude personnelle et que vous avez les 160$ prêts et vous m'avez demandé les contacts, que comment vous avez envoyé l'argent là? Vous êtes sûr? Moi, je vois un nom bizarre ici là. Tang Tong Tong Ching quoi là. Je ne sais pas. Est-ce que moi, je connais ce nom là? Bon, présentez-vous. Maintenant, là, vous me parlez en plein live. Allez-y me contacter dans mon contact privé. Dites-moi, ah, sur votre live, là, comment s'en débarrasser des addictions. Je vous ai parlé de mon étude, mais je vais juste vous rappeler. Je m'appelle tel et vous me donnez le vrai nom. Vous me donnez votre nom de naissance, prénom de naissance, vous me donnez ces informations-là. Et ensuite, vous êtes averti, c'est 160$ qu'il faut payer. Excusez-moi, j'ai longtemps voulu vous poser la question, maître. Que pourrait signifier avoir... Les okoukoué. Oh, mais vous venez encore parler des questions hors sujet. Ah là là. Là, on parle de. Excusez-moi, j'insiste beaucoup sur ce rite. Parce que c'est un rite très efficace, délicat. Et j'aimerais que cela soit clair. Donc, vous qui me posez les questions sur les okoukoué là, ça veut dire que vous êtes capable de faire ce rite. Vous n'avez pas des addictions. Je sais. Ce n'est pas tout le monde qui a des addictions. Bon, maintenant, je vais répondre à votre question, Milotanus ou Milomatarus là. Bon, quand vous rêvez les okoukoué, moi, je dis, j'évite de trop parler des histoires de rêves ici. Les okoukoué. C'est quoi? Mais c'est simplement les entités. Un okoukoué, dans le monde métaphysique, quand vous rêvez un homme en blanc, quand vous rêvez le okoukoué, c'est-à-dire le okoukoué, ce qu'il appelle le okoukoué ici, c'est le kouï chez nous, si vous voulez, attendez que je vous représente. C'est-à-dire quand vous rêvez ce personnage, voilà, on appelle ça un personnage. D'accord. Il y en a plusieurs, hein. Il y a les fans qui en font et tout, mais là, je vais vous montrer celui dont il parle. Parce qu'il y a plusieurs formes. Voilà, par exemple, celui-ci, ça, c'est celui de chez nous, chez les Gallois. Voilà. Vous voyez? Voilà le coup, quoi, chez nous, les Gallois. Mais en Guinée qu'on a cru, hein, ils ont le même, mais sous une autre forme. Voilà le nôtre. Ça, c'est celui des Gallois. Bon, là, je vois un autre de la Guinée équatoriale. Voilà un autre coucouille, au coucoué. Ils sont nombreux. Bref, quand vous rêvez ça, en fait, c'est tout simplement... Soit un appel pour vous de vous initier, pour vous initier. Vous n'êtes pas obligé de vous initier forcément dans le coucoué. Mais maintenant, si vous êtes gallois, si vous êtes ngomien, hein, oui, ça peut être un appel des entités, des qu'on appelle ça. Les ancêtres vous demandent donc à vous initier là-dedans. Ça peut être cela. Mais en d'autres termes, c'est tout simplement une image qui vous reflète, vous rappelle que les esprits de vos entités sont autour de vous ou de vos ancêtres sont avec vous. Et deuxième message, c'est un appel pour que vous puissiez vous initier. Troisième message, ça peut aussi dire que vous êtes sous la protection de vos ancêtres et que beaucoup de vos ancêtres étaient initiés dans ces milieux-là. Ça signifie beaucoup de choses, d'accord? Mais moi, j'évite de trop interpréter les rêves. Donc, ce rêve-là peut être multidimensionnel, mais il faut retenir le point clé, c'est un appel à l'éveil de l'esprit et vous initier. Le rite, les rites est... Attends, le rite, les... Pardon. C'est ce que j'ai dit, oui, le rite est applicable à toute forme d'addiction. Je l'ai dit à l'introduction. You want to know my private contact. If you want to contact me in private, I hope that you are subscribed on this channel. If yes, second step, you need to join our forum groups where you will find my personal contact, okay? So number one question, are you a member of my forums or groups? If no, do it now. On your phone, Android phone, don't do that from a computer. Just click on your right side on your phone. Once you agree, you will see the link. You have WhatsApp links and you have Telegram links. But I'd rather suggest you to click on the Telegram because of the WhatsApps that are right now full completely. But the Telegram is not full. So please click on the link of the Telegram where you will automatically join the forum through which then you can see my private contact. We have a few administrators, and one of them, Bernardo, is a guy, man, he does a really great job. He's there 24 hours. So once you entered in and you're gonna ask my contact, Bernardo would just forward it to you automatically. That's the answer I can give to you. Thank you. Maître, pardon. Et quand on rêve d'être toujours en face du président. Ah non, pardon, je ne suis pas là pour les rêves, je suis venu pour ceci. D'accord? Vous rêvez le président, mais ça, c'est des rêves. Moi, je ne sais pas. Peut-être vous stasez ou bien, je ne sais pas, ou parce que vous pensez trop à lui, ou je ne sais pas. Ça dépend du travail que vous faites. Si vous travaillez pour le gouvernement, c'est normal, vous allez peut-être le rêver. Maintenant, le rêve d'un président, moi, je ne suis pas trop spécialiste, mais moi, je dis, je vous amène en profondeur, ce n'est pas un bon signe pour certains, mais c'est un bon signe pour d'autres. D'accord? Bon, voilà, nous avons fini notre live et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que, voilà le temps, il est déjà 1h30. Je vous ai parlé également des rites du prophète Simon Kimbangu. Souvenez-vous, dans ma pub, les enseignements sur les rites efficaces de protection, eh bien, vous parlez de désenvoûtement, il y aura également des rites de désenvoûtement, il y aura les rites de succès, de fortune. Je vous ai dit, je ne raconte pas n'importe quoi, que je ne sais pas si c'est une religion, mais c'est une religion traditionnelle. Hein. Le prophète Simon Kimbangu, j'ai dû même réfléchir et changer mon avis. La dernière fois, j'ai dit je ne crois pas en lui. Mais quand j'ai découvert toute une panoplie de rites qu'il pratiquait lui-même et qui n'ont rien à voir avec le christianisme, et il a écrit des psaumes, il était beaucoup inspiré, il était même capable de faire ce qu'on appelle, je vous ai toujours parlé de ça, moi je ne savais pas que lui le faisait, ça s'appelle la bilocation par téléportation, c'est-à-dire qu'on le voyait à plusieurs endroits. Quand on l'avait enfermé, souvenez-vous, on l'a mis en prison, mais bizarrement, la prison se retrouvait vide, et après on l'a retrouvé à un autre endroit. Il a tellement créé des problèmes au Mundele à l'époque. Bref, il avait fait des prophéties, il avait annoncé, mais on a découvert qu'effectivement, il a laissé des rites. Et ces rites existent aujourd'hui. Sa plus grande église se trouve à Kinshasa, quelque part loin de la grande capitale. Des éminents ministres, des hommes d'affaires, et même Mobutu a voulu avoir un conflit avec cette église, mais tôt ou tard, il en a mal payé. C'est pour vous dire que l'église du kimbanguisme, ou bien la religion kimbanguisme, je n'aime pas le mot église, la religion kimbanguisme là, elle est très, très, très puissante. Je crois à ce jour, c'est des chiffres non officiels, il y a près de 47 millions d'adhérents. Et ça, c'est rare. C'est la seule religion africaine qui atteint plus de 10 millions d'adhérents. Même les témoins de Jéhovah qui boitillent depuis 1868 n'ont pas encore atteint même 10 millions. Donc, c'est pour vous dire, la raison pour laquelle le nombre ne fait que croître, même les Blancs vont là-bas en pèlerinage tous les jours et se précipiter, parce qu'ils ont des rites très efficaces. Et ce sont ces rites-là que certains, je détiens, je veux pouvoir vous les partager afin de vous aider à résoudre vos problèmes au quotidien. D'accord? Problème de chômage, problème d'argent, problème de... Même pour ceux qui ont déjà un business pour la prospérité, vous permettre d'être prospère dans votre business. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas du travail et que vous allez devenir prospère. Non, la prospérité, ça intéresse les gens qui ont déjà un business, mais qui boitillent un peu, mais qui aimeraient être prospère pour faire multiplier. Parce qu'on ne donne qu'à celui qui a quelque chose. Mais si tu n'as rien, on ne te donne rien. Il y a également des rites de protection totale. Il y a des rites de rajeunissement, pour rester toujours jeune. Il y a les rites également pour disparaître, devenir invisible. D'accord? Peut-être à cause de ça, chaque fois, il créait des problèmes aux Blancs, il disparaissait, on ne le voyait pas. Bref, je vous ai promis cet enseignement et ce sera demain jeudi, si telle est la volonté de Tétamouang. D'ici là, portez-vous bien Et je vais vous quitter et je crois que la série de questions est terminée. Voilà, on n'a plus de questions. Et puis, voilà, nous allons clôturer par une petite pause musicale. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et s'il vous plaît, révisez le rite. Révisez le rite et allez-y dans les forums là-bas, puisque la vidéo est là-bas. Réécoutez avant de poser les questions. Réécoutez, réécoutez à tête reposée. Et maintenant, si vous n'êtes pas convaincu des explications, soyez libre de reposer les questions dans les forums là-bas. Il y a des gens qui vont vous répondre. Maintenant, si vous me posez la question directement sur le rite que j'ai déjà donné comme enseignement, en ce moment, je vous charge de l'argent. Oui, parce que ça me fait de la peine de pouvoir répéter la même chose que j'ai déjà expliqué. D'où le temps que je passe ici à pouvoir, comment dirais-je, à pouvoir répondre à vos questions, justement. J'insiste beaucoup dessus. J'ai dit qu'il faut me poser des questions sur le rite. Ben, c'est justement pourquoi. C'est pour que vous ayez une bonne compréhension. J'espère que tout a été clair sur le rite. Donc, sur ce, nous allons clôturer notre live avec cette belle chanson que je n'ai pas un droit d'auteur. Je n'ai pas un droit d'auteur sur cette chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga vous protège. Demain, donc, nous allons nous retrouver sur le rite de Simon Kimbangu. En un mot, je vous parlerai du Kimbanguisme. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, b Mais, soyez tous bénis et répondre demain, c'était la volonté de Dieu à moi. Et d'ici là, portez-vous bien. Faites-en bon usage de ce rite. C'est un rite qui a plus de 3 voire 4 000 ans d'existence. Il a été monté de toutes pièces et par nos aînés, nos ancêtres. Et il est conservé auprès de nos fraternités, auprès de nos aînés qui gardent les grands secrets des rites de l'Afrique équatoriale. Et c'est ainsi que, si vous le pratiquez correctement, ça va vous aider. Nos ancêtres les ont utilisés efficacement, ces rites-là. Mais s'il vous plaît, veillez appliquer à la lettre ce qu'on vous a dicté. C'est pas moi, mais ce sont les ancêtres qui ont laissé ça comme ça. On ne peut pas modifier. Ces rites des ancêtres, généralement, n'aiment pas le rattrapage, n'aiment pas la jonglerie. Donc, c'est à vous, à titre individuel, pour pouvoir vous en débarrasser des addictions. Je sais que c'est très douloureux, c'est très pénible, mais vous pouvez sortir. Maintenant, je ne vous garantis pas à 100%, hein. Souvent les résultats sont en 98%. Bon, maintenant, les autres 2%, c'est souvent pour des personnes qui soit elles ont des doutes ou soit vraiment, pour la question qui a été soulevée, c'est des personnes qui sont envoûtées mystiquement. Maintenant, si c'est un envoûtement mystique par esprit interposé, dans ce cas, eh bien, vous pouvez toujours voir un spécialiste pour dire, mais écoutez, j'ai pourtant fait ce rite qui est très efficace, qui marche très bien. Mais si ça n'a pas marché, j'ai tenté les prières, ça n'a pas marché, j'ai tenté les médicaments chez les brancs, ça n'a pas marché, j'ai tenté l'iboga, parce qu'il y a aussi un traitement qu'on appelle l'ibogaïne. Ça, je ne vous ai peut-être pas dit. L'ibogaïne aussi, c'est un anti-addictif. Maintenant, si tout ceci ne marche pas, ça veut dire que quelque part, vous êtes sous une emprise, sous une influence, je ne voulais pas dire démoniaque, mais ça veut dire que vous êtes sous le contrôle d'une entité dont vous ne connaissez pas les origines. En ce moment, il faut aller voir les experts de sciences occultes ou les maîtres initiés des grands mystères. Et puis, on pourra vous faire d'abord une consultation orientée et ensuite trouver la solution. Hein, la solution qui consistera d'opérer par 3 formes de bains. Les bains de désenvoûtement, mais sous 3 formes. Quoi. Soit le bain par vapeur ou le bain par fumigation, c'est-à-dire le feu, ou des bains qu'on peut faire carrément en pleine mer en utilisant l'aimant eau. Donc voilà les 3 formes de désenvoûtement. Et il y a les quatrièmes, bon, ça c'est purement des incantations et autres, mais il faut être face à face, il faut être auprès de l'expert qu'on appelle l'exorciste qui doit faire ce travail-là. Voilà ce que je peux vous dire comme conclusion sur cet enseignement, car ces rites sont très efficaces, je peux vous garantir. Nous nous retrouvons donc demain, si telle est la volonté de Teta Mwanga, sur les rites du prophète et en même temps grand homme religieux qui est beaucoup respecté et qui occupe un rang également dans le monde invisible au niveau du quatrième rayon. Il a été identifié, donc il n'est pas négligé. Ces rites vous permettent de vous connecter avec non seulement son égrégore, mais également avec toutes les entités qui travaillent avec lui dans le monde invisible. C'est des rites très efficaces et on en parlera de ça demain. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci, merci encore, merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci, merci beaucoup, merci, merci, merci encore.